Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radioactive. Et aujourd'hui dans ce mag, retour sur une journée pas comme les autres, la journée de la santé de la femme, organisée par la CPTS Asclépios, en partenariat avec le centre hospitalier intercommunal Amboise-Château-Renaud et la CPAM d'Indre-et-Loire. Partant d'un constat malheureusement bien réel, de nombreuses femmes ont tendance à mettre leur propre santé de côté, souvent au profit de celle de leurs enfants, de leurs parents ou de leurs proches. Les organisateurs ont donc décidé de leur consacrer une journée entière autour de trois mots-clés: prévention, information et dépistage. Une journée gratuite, sans inscription, qui a investi tout le centre hospitalier intercommunal d'Amboise, du hall d'entrée au couloir jusque dans les étages, avec des ateliers, des groupes d'échange, des stands d'information, mais aussi des dépistages gratuits. Dans le premier numéro de Fréquence Chic sur Radioactive, notre nouvelle chronique santé avec l'équipe du centre hospitalier, Aude Leloup et Marie-Charlotte Nishimwe nous avaient annoncé cette journée spéciale. Nous nous y sommes donc rendus et avons tendu notre micro à plusieurs professionnels présents. On commence avec Claudine Portejoie, diététicienne nutritionniste libérale. Elle animait un atelier consacré à l'alimentation après 50 ans, avec pour objectif d'accompagner les femmes vers une alimentation adaptée à cette période de la vie. Alors je m'appelle Claudine Portejoie et je suis diététicienne nutritionniste en libérale. D'accord. Comment ça se passait ce stand? Qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, avec ma collègue Cécile, qui est diététicienne également nutritionniste, nous avons préparé un petit peu le stand. Donc, nous avons mis à disposition des petits documents sur l'alimentation, bien manger après 50 ans, des petits conseils sur, par exemple, comment soulager les inconforts de la ménopause, prendre soin de mon cœur, protéger mes os, tous ces petits désagréments qui peuvent arriver en fait ensuite avec la ménopause, préserver sa masse musculaire, limiter la prise de poids abdominale qui peut être nocive pour notre santé. Et on a essayé de faire aussi un petit quiz sur l'alimentation, les gens peuvent répondre et après on commente avec eux les réponses, vraies ou faux. Et des petits jeux aussi sur les menus équilibrés, comment faire un menu équilibré sur la journée. Voilà, donc on a essayé de répondre un petit peu aux questions des personnes qui passaient au stand. Alors sur cette matinée, il y a eu un gros afflux sur ce stand et apparemment c'était la queue hein, pour tout dire. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ? Souvent, ben, la ménopause, hein, souvent une prise de poids qui arrive en fait à la ménopause. Et puis un petit peu, quelles sont les questions qui peuvent tracasser les gens, notamment sur les maladies cardiovasculaires, la prévention quand même, des petites choses pour justement bien vieillir. Voilà. Et alors justement, est-ce qu'il y a des conseils, des grandes lignes, mais des grands conseils principaux qui pourraient être donnés là sur Radioactive ? Alors, une alimentation équilibrée, associé, il ne faut pas l'oublier, à de l'exercice physique régulier. Je dis bien, c'est important aussi. Ça nous permet de conserver notre masse musculaire qui, avec l'âge, diminue. Donc, nos besoins en protéines ont besoin d'être augmentés un petit peu à la ménopause, enfin, surtout en vieillissant quand on perd cette masse musculaire. Et l'exercice physique associé, c'est vraiment les deux choses importantes pour préserver sa santé. Et bien entendu, un bon suivi avec des professionnels de santé. Donc plus de protéines, on peut leur dire de manger des œufs, des viandes. Plus de protéines, voilà, de façon raisonnable aussi, hein, mais voilà, avec un apport en calcium aussi suffisant, produits laitiers, des œufs aussi riches en calcium, le tout associé. Et puis surtout, sans oublier le petit plaisir, le menu plaisir et la convivialité, voilà, de manger de toutes les familles d'aliments sur la journée. Mais oui, parce qu'une bonne alimentation, une bonne santé égale un bon mental. Un bon mental et surtout vivre longtemps et en bonne santé. Et c'est l'essentiel. Merci beaucoup Claudine. De rien, je vous en prie. Direction ensuite le premier étage, entièrement consacré à la périnatalité. Nous y avons rencontré Floriane Bonin, gynécologue. Son service proposait tout au long de la journée des stands d'information, des frottis, mais aussi des groupes de discussion autour de la santé des femmes. Floriane, une petite explication de ce que vous avez proposé aujourd'hui à l'occasion de cette journée de la santé de la femme. Alors, donc, au sein du centre périnatal de proximité, on propose aux patients donc, déjà des stands d'information sur l'hygiène féminine, la contraception, l'endométriose ou les 1000 jours notamment. On propose aussi la réalisation de frottis pour le dépistage du cancer du col de l'utérus sans rendez-vous. Ça marche bien pour l'instant. Hein. On a, je pense, une petite vingtaine de femmes qui sont venues pour les frottis jusqu'à présent aujourd'hui. Ça vous surprend, ce succès ? Je suis agréablement surprise, mais après toute l'équipe était super mobilisée, il y a eu une très bonne communication de fait, donc puis on a été aidés aussi par la Sécu, etc., qui ont bien relayé le message, donc on est ravis. Et on a aussi pu proposer quatre groupes de parole. Donc ce matin, il y a eu la ménopause, le postpartum, et cet après-midi, il y a la contraception et la charge mentale. Et moi, j'ai pu participer à titre personnel à celui sur la ménopause. Ça a hyper bien marché. Enfin, il y a eu des échanges super riches. Il y avait une dizaine de femmes, surtout des personnels de l'hôpital, mais pas que. Donc c'est vrai que c'est un chouette succès pour l'instant de cette journée. Aude, qui m'a accueillie tout à l'heure, me disait qu'il y avait eu beaucoup de personnes, notamment de plus de 60 ans, et qui n'avaient jamais fait de frottis de leur vie. Oui, tout à fait. C'est ça qui est un peu surprenant ou pas d'ailleurs. Hein, mais oui, moi j'ai accueilli plutôt des femmes 60, 65, 70 ans en consultation pour l'instant ce matin. Donc effectivement, on est plus sur des patientes ménopausées pour l'instant, mais ce qui est pas du tout un problème. C'est chouette que c'était beaucoup des femmes qui racontaient qu'elles prenaient peu soin d'elles jusqu'à présent et que là, enfin, elles s'accordaient ce temps-là pour elles, pour prendre soin de leur santé. Donc à vous entendre, on essuie un véritable succès avec cette première journée organisée ici au centre hospitalier intercommunal à Amboise. C'est quelque chose qui sera amené à être renouvelé selon vous ? On espère, du fait du succès, qu'on pourra reproduire ce genre d'action une fois par an, par exemple, ou peut-être une fois tous les deux ans, parce qu'on se rend compte que ça fonctionne et qu'il y a un public intéressé par cette action-là. Juste avant, on a échangé avec Claudine, qui est diététicienne et qui a donné quelques conseils aux auditeurs. Est-ce que vous auriez, vous, Floriane, quelques petits conseils à prodiguer à nos auditeurs sur cet aspect gynécologique ? Vaste sujet. Déjà, prendre le temps de prendre soin de soi, c'est important parce que les femmes, elles prennent beaucoup, beaucoup soin des autres, de leur famille. Mais c'est vrai qu'on prend encore mieux soin des autres quand sa santé à soi est bien suivie. Sur le plan gynécologique, c'est vrai qu'on recommande une consultation annuelle ou une consultation tous les deux ans pour faire un peu le point sur l'examen des seins, l'examen pelvien s'il est nécessaire. Et c'est vrai qu'on profite toujours de nos consultations pour en même temps prendre la tension, enfin voilà, vérifier deux, trois autres choses. Et c'est vrai que parfois les femmes, quand elles vont bien, elles vont jamais chez le médecin. Et parfois, c'est ce rendez-vous annuel chez la sage-femme ou le médecin traitant, le gynécologue, est le moment aussi de faire le point sur la consommation de tabac, sur l'hypertension artérielle, etc. Puis une anomalie détectée le plus tôt possible, c'est une anomalie qui sera susceptible d'être soignée. Tout à fait. Et plus on trouve les choses tôt, moins les traitements, je pense au cancer du sein, par exemple, notamment, plus il est dépisté tôt, moins les traitements sont invasifs. Plus c'est détecté tôt, plus on propose des petits traitements, moins ça a d'impact ensuite sur la vie des femmes. Donc ce rendez-vous, tous les ans, c'est valable pour tous les âges ? Oui, pour tous les âges. Il y a beaucoup de femmes qui se disent « maintenant que je suis ménopausée, j'ai plus besoin d'aller chez le gynécologue ». Pas du tout. Enfin, après la ménopause, il y a le dépistage toujours du cancer du sein. Puis on va aussi un peu au-delà de notre précaré. Hein. On parle du dépistage du cancer du côlon. On continue le dépistage du cancer du col de l'utérus jusqu'à 65 ans. Donc non, ça reste important, ce temps de consultation pour regarder l'appareil génital, la vulve, etc., ce qui sont des zones pas forcément simples à examiner soi-même. Merci beaucoup Floriane Bonin, je rappelle que vous êtes gynécologue au centre hospitalier intercommunal Amboise-Château-Renaud. Merci pour tous ces conseils. Merci. Et on change de bâtiment maintenant pour aborder un autre sujet, bien vieillir et prévenir la perte d'autonomie. Agnès Faré, médecin praticienne en gériatrie, nous présente ce service. Elle nous parle de l'hôpital de jour, mais aussi du programme ICOP, un programme de prévention de la dépendance élaboré par l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour Madame Faré. Bonjour. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qu'est la gériatrie ? Alors la gériatrie, donc, c'est une spécialité qui est assez récente au niveau de la médecine, qui est orientée pour la prise en charge des personnes de plus de 65 ans, avec la spécificité du vieillissement, où il y a déjà des pathologies plus particulières. Les prises en charge ne sont pas forcément les mêmes par rapport aux pathologies qu'on peut avoir associées, l'espérance de vie, la qualité de vie, donc la réflexion n'est pas forcément la même. Il y a aussi au niveau des différents organes, il peut y avoir des dysfonctionnements, donc les thérapeutiques doivent être aussi adaptées. Et puis, il y a des pathologies aussi qui sont liées à l'âge. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette spécificité. Sachant que la population, enfin, avec la courbe des âges, on sait qu'il va y avoir un vieillissement de la population avec l'importance de la prise en charge de cette tranche d'âge de population. D'accord. Donc, aujourd'hui, pour cette journée de la santé de la femme, vous proposiez quoi ? Vous accueillez le public ? Vous leur proposiez quoi ? Là, c'était proposé de présenter un peu le service. Donc, moi, je suis en service d'hôpital de jour gériatrique. pour faire des bilans de prévention ou individualisés devant des patients qui ont des pathologies chroniques. Donc c'était déjà pour présenter et en même temps associer à cette journée tout ce qui est les services sociaux de la ville qui peuvent apporter une aide pour la prise en charge médico-sociale des personnes âgées. Alors que pas forcément que pour les femmes, mais après, il y a aussi que ça concerne plus de femmes que d'hommes, parce que les femmes ont une espérance de vie plus importante. Mais voilà, après, on reçoit autant des femmes que des hommes dans le service, mais c'était l'occasion de se présenter aussi. Les patients que vous recevez avec cet hôpital de jour que vous évoquez, ce sont des patients qui vous sont orientés, ou est-ce que je peux vous amener ma grand-mère, par exemple? Alors, ils sont orientés pour prendre contact, mais ça peut être orienté par n'importe qui. D'accord. C'est pas forcément des... C'est pas forcément une prescription médicale. Non. Et souvent, c'est plutôt l'entourage qui nous appelle par rapport à soit leurs parents, quelqu'un de leur famille. Après, nous, on demande quand même un courrier du médecin traitant parce que, que j'ai un petit peu les antécédents, savoir un petit peu comment on part, s'il y a des examens aussi à prescrire. Mais c'est pas au départ orienté par un professionnel de santé. Alors là, ce pôle, aujourd'hui, vous étiez juste à côté du CCAS d'Amboise. On retrouve aussi Entourage. C'est un maillage important, ça, pour vous ? Oui. Alors justement, en plus, cette journée, ça m'a aussi permis d'échanger avec eux. Bon, je les connaissais déjà, mais plus quand j'étais en libéral. Donc là, ça a permis de moi présenter le service et elle aussi qu'on échange ensemble parce qu'on va forcément travailler ensemble. Entourage, c'est pour les personnes âgées. Le CCAS, c'est plus large, mais ils travaillent aussi auprès des personnes âgées. Et ça permet de soit qu'eux me réorientent des patients et inversement, parce qu'en fait, moi, ici, je fais des bilans avec des préconisations. Mais après, moi, je réoriente sur les professionnels du territoire. Donc c'est important de aussi se connaître. On travaille plus facilement ensemble quand on se connaît. Et voilà, qu'on arrive à chacun apporte sa pierre pour aider les patients. On est dans la complémentarité. Oui. C'est un succès ou pas cette journée ? Alors moi je trouve que ça m'a quand même permis là d'échanger. J'ai pas encore vu beaucoup de personnes. Après moi je suis arrivée en début d'après-midi. Après on m'a dit qu'effectivement ça avait très bien marché aussi sur parce qu'il y a pas que sur l'HDJ. Baladé déjà, oui. D'accord, voilà. Et que ça a bien fonctionné. Après a priori nous on avait un petit peu plus de mal à orienter les gens vers nous. Alors peut-être le fait que ce soit orienté gériatrie, il y a peut-être des gens qui sont pas forcément sentis concernés. Je peux aussi peut-être dire un mot, parce qu'en fait, il y a un programme ICOP qui est sur le territoire régional, qui est un programme normalement national pour détecter, dépister des troubles au niveau de 5 principales fonctions qui peuvent entraîner une dépendance chez les personnes âgées, avec des troubles, tout ce qui est mémoire, nutrition, vision, audition, humeur et mobilité. Donc c'est quelque chose que chacun fait individuellement en se mettant sur ICOP et moi avec sur un smartphone. Il faut télécharger l'application et en fait là il y a des questions qui sont posées, des tests pour évaluer ces fonctions et en cas d'anomalie de se réorienter vers un professionnel de santé. Premier niveau de repérage, en fait. C'est un premier niveau de repérage. Normalement, donc, ce programme est en train de se développer et l'objectif, c'est que suite à ce premier repérage, ce soit orienté dans un centre qui récupère les données, qui voit les alertes et orienté par la suite vers la structure adaptée. D'accord. Sauf que pour l'instant, en tout cas dans notre région, on n'est qu'au palier repérage, ils n'ont pas encore développé la suite. Alors moi, je conseille peut-être de voir après avec le médecin traitant ou s'il y a des anomalies pour voir pour la suite. Mais je pense que c'est encore à développer. Mais voilà, donc normalement, c'est à partir de 60 ans de faire ça tous les 6 mois, 1 an, pour essayer de dépister des anomalies avant qu'il y ait un impact, qu'on ait une conséquence et c'est de la prévention. Et là, on ne parle pas que du physique. Est-ce qu'on parle aussi des dégénérescences cognitives, par exemple ? Parce qu'on ne se voit pas forcément vieillir, si j'entends bien ce que vous dites. Voilà, c'est ça. Donc, il y a les 6 fonctions. Donc, il y a des tests de mémoire. Il y a des tests sur la nutrition, perte de poids, perte d'appétit. Sur la vision, voir si on voit de loin, de près, s'il n'y a pas des anomalies, si on ne voit pas des taches, si on ne voit pas les lignes ondulées qui orientent vers certaines pathologies. Après, il y a l'audition. Alors, par contre, je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas ça comment. Je pense que si on entend des bruits, je pense avec le portable, des petits sons. Ah oui. Après, il y a des questions sur l'humeur, si on se sent triste, si on trouve que notre vie a été bien occupée, si on ne se sent pas isolé, si c'est des petites questions pour détecter un petit peu une tendance de syndrome dépressif. Et puis la mobilité où il y a des petits exercices à faire. En fait, ils expliquent les exercices et voilà, avec des temps à respecter, voir si on arrive à, il y a notamment le lever de chaise ou en fait voir si on arrive à se lever sans s'appuyer sur les accoudoirs, 5 levées de chaise, combien de temps on met. Enfin voilà, c'est des. Et donc ça, en fait, c'est une auto-évaluation. Mmh, l'objectif, c'est que chacun s'auto-évalue pour repérer s'il y a des anomalies et en cas d'anomalie de consulter. Oui, et puis de réaliser que parfois on a besoin d'aide. Oui, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et par exemple, pour la vision, c'est quand même important, parce qu'il y a quand même pour la conduite, risque de chute, enfin pour d'ailleurs toutes les fonctions. L'audition, c'est pareil, c'est bien d'avoir un suivi, déjà de détecter s'il n'y a pas une anomalie autre que la presbyacousie, donc la perte d'audition liée à l'âge. Et puis on sait aussi que plus on s'appareille tard, plus on a difficulté en fait à s'adapter au système. D'accord. Donc c'est bien de pas forcément attendre qu'on n'entende plus rien pour se dire je vais être appareillée. Voilà. Alors Agnès Faré, je rappelle que vous êtes praticienne hospitalière et spécialisée dans ce domaine qu'est la gériatrie et notamment cet hôpital de jour. Comment on fait pour avoir les renseignements et éventuellement vous contacter? Donc au 02 47 23 31 28, donc ça c'est le secrétariat de l'hôpital de jour, donc ouvert entre 9h et 17h. Et après, de toute façon, on nous retrouve sur le site de l'hôpital Le Chic en bois Château-Renaud, qui est un site internet, on peut nous retrouver en hôpital de jour. Après, faut pas hésiter non plus à appeler l'hôpital, c'est 02 47 23 33 33, ça on trouve le numéro partout. Et puis vous demandez secrétariat de l'hôpital de jour gériatrique. Ils vont rien entrer, donc faut pas hésiter. Voilà, y a pas besoin d'être orienté au départ par un professionnel de santé. Après, on vous expliquera la démarche. Ok. Et ICOP, pareil, je peux le faire en autonomie depuis chez moi. Alors ça, vous pouvez éventuellement vous mettez ICOP et moi. C'est l'application à télécharger. Elle s'appelle ICOP et moi. Vous mettez sur le Play Store. Là. Après, je pense que si vous mettez ICOP sur Internet, ça vous mettra. Par contre, faut bien voir parce qu'en fait, en fond, chaque région n'a pas forcément la même application. Ouais, bien sûr. Bien faire attention à quelle application on télécharge. En tous les cas, ICOP, c'est ICOPE, ICOP et moi. Et vous pourrez faire une auto-évaluation, alors soit vous-même, soit si vous nous écoutez et que vous avez des aînés autour de vous pour lesquels vous vous posez des questions. Merci beaucoup, Agnès Faré. Ben de rien, merci à vous et bonne journée. Merci. Et parce que la prévention passe aussi par le mouvement, nous avons rencontré Maxime Dubois, enseignant en activité physique adaptée à l'EHPAD Val-de-Brenne d'Auzouer-en-Touraine et en médecine C au centre hospitalier de Château-Renaud. Il animait un atelier de prévention des chutes avec une mallette de simulation du vieillissement. C'était quoi votre rôle aujourd'hui sur cette journée particulière ? Eh bien, Aude m'a sollicité dans le cadre de mes fonctions à l'hôpital et en EHPAD pour animer avec Clara l'atelier prévention des chutes et la mallette de simulation de vieillissement. Alors, je l'ai testée, moi, cette mallette. Vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous m'avez fait endurer là pendant ces quelques minutes ? Donc, cette mallette, si vous voulez, elle simule le vieillissement comme indiqué précédemment. Vous avez pour cela différents poids, au niveau d'un gilet, au niveau du tronc, des poids au niveau des chevilles et des poignets. Vous avez également des chaussures dures qui simulent le non-déroulement du pas chez la personne âgée. Vous avez des chevillères et des genouillères qui simulent une raideur articulaire. Une minerve également qui va dans ce sens. Et une paire de lunettes pour la baisse d'acuité visuelle ainsi qu'un casque anti-bruit. Donc là, vous m'avez fait prendre 40 ans et après, vous m'avez fait faire un parcours avec des obstacles. Il y a beaucoup de gens qui ont testé aujourd'hui cette mallette. Alors moi, je suis là que depuis 14 heures, mais depuis 14 heures, on a pu voir une trentaine de personnes passer. Ça n'arrête pas, on fait à la chaîne, on scratch et on déscratch à tout va. Et c'est quoi les remarques qu'on vous fait tout de suite, là, à chaud, quand on quitte l'équipement ou même quand on l'enfile ? Est-ce qu'on va vraiment finir comme ça ? Ça, c'est vraiment la question qui revient le plus. Ou dans combien de temps ? Parce qu'on a eu aussi quelques personnes âgées qui sont venues nous voir. Elles ne se sentaient pas actuellement comme ceci, mais elles espéraient que ce ne soit pas de suite. Et donc, suite à l'essai de cet équipement-là, vous proposez des solutions ? Alors, nous, dans le cadre notamment de l'HDJ, l'idée, c'est d'établir un bilan des capacités physiques. Et suite à ce bilan, on essaye d'orienter auprès de nos différents partenaires. Donc pour ceci, on a notamment un annuaire de l'activité physique adaptée qui a été élaboré par Marie-Laure Badet de la CPTS. Donc ce qui nous permet, nous, derrière, de réorienter le patient en sortie d'HDJ vers une activité physique en groupe et encadrée par des professionnels de l'activité physique adaptée. Et puis sûrement à proximité du lieu de domicile, puisqu'il existe plein d'associations qui proposent maintenant. Parce que ça s'est pas mal développé ces dernières années, la gym adaptée par exemple, des choses comme ça. Oui, ça s'est vraiment beaucoup développé. Encore, il y a fort à faire. Mais ça fait partie des axes de santé publique, bien évidemment. On nous demande de bouger plus. Malheureusement, la population vieillit également. Donc on essaye de chercher des alternatives et surtout des ressources pour pouvoir orienter nos patients après l'HDJ ou après une hospitalisation. Malheureusement, les kinés de ville sont overbookés. Donc il faut quand même que l'on arrive à mettre nos seniors en mouvement. Et heureusement, il y a plein d'initiatives dans ce sens. Donc si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs un peu plus âgés qui nous écoutent et qui commencent peut-être à avoir des problèmes articulaires, de déplacement, etc. Il faut bouger et bien manger. Merci beaucoup Maxime. Avec plaisir. Au fil de la journée, de nombreuses femmes sont venues pousser la porte du centre hospitalier, parfois par curiosité, parfois avec des questions précises. C'est le cas de Chris qui a participé à cette journée et qui repart avec de nombreuses découvertes. Nous avons une participante à cette journée de la santé de la femme à l'hôpital d'Amboise. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Chris. J'ai été invitée par la CEPAM à venir passer la journée et voir divers ateliers. Donc c'est la CEPAM qui vous a donné l'information. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure, donc il y a une bonne communication autour de cette journée. Qu'est-ce que vous avez pu observer, rencontrer, pratiquer aujourd'hui ? Alors j'ai participé aux ateliers de prévention du périnée ce matin où on a pu faire quelques exercices non impactants pour le corps mais très importants pour nous, les femmes surtout. J'ai pu échanger aussi sur l'alimentation des plus de 50 ans, ce qui est mon cas, j'en ai 52. J'ai aussi rencontré la CEPAM pour échanger directement sur un problème sur mon dossier. Et puis j'ai aussi rencontré une personne de la dictologie qui m'a réorientée. Et je suis revenue cet après-midi pour participer tout à l'heure au self-défense. Super. Il y a les réponses à toutes les questions que vous vous posiez aujourd'hui ? Oui, j'ai pu échanger notamment sur l'alimentation avec des questions assez précises. Donc oui, j'ai eu les réponses à mes questions. Je suis très satisfaite de cette journée. Si c'était amené à se refaire, vous reviendriez ? Bien sûr. Et je le conseillerais même à mes amis. Qu'est-ce que vous avez préféré dans cette journée ? Alors j'ai surtout apprécié l'accueil, la disponibilité de tous les accueillants en fait, malgré une forte sollicitation du public. J'ai adoré vraiment l'atelier justement prévention du périnée où j'ai pu faire vraiment concrètement des exercices. Mais je suis repartie avec tout un tas de documentation sur plein d'autres sujets qui m'intéressaient. Merci beaucoup Chris. Merci. Enfin, avant de refermer cette journée, nous avons retrouvé Aude Leloup, assistante sociale, l'une des chevilles ouvrières de l'événement, pour un premier bilan. Aude Leloup, donc Aude, bah tu es assistante sociale ici à l'hôpital d'Amboise. Tu étais venue pour présenter cette journée de la santé de la femme. Quel premier bilan tu fais de cette journée ? Alors, je pense que c'est une réussite. Je n'ai pas vu les chiffres, mais on a vu beaucoup de monde, tant en externe que des gens qui venaient aussi pour prendre des rendez-vous et qui ont aussi déambulé dans les stands. Et puis, parmi aussi les professionnels de l'hôpital, j'ai eu un retour comme quoi beaucoup de personnes ont fait des frottis, notamment des personnes qui n'en avaient jamais fait. Je crois que les ateliers ont tous été, enfin certains ont été plus pris d'assaut que d'autres, comme l'alimentation, l'atelier de prévention du périnée n'a pas des amplis. Donc je pense oui. La charge mentale aussi. Et la charge mentale, ouais. Les ateliers de discussion ont bien fonctionné. Sur la ménopause aussi, je crois qu'il y avait beaucoup de personnes. Donc oui, on est très contents et aussi très satisfaits du relais qui a été fait par tous nos partenaires et qui ont contribué à la réussite de cette journée. Eh ben, on vous laisse retourner à vos fourneaux parce que la journée n'est pas terminée. Merci de votre accueil. Merci Marlène. Une journée donc riche, utile et nécessaire qui aura permis de rappeler une chose essentielle, prendre soin de soi n'est ni un luxe ni une perte de temps. Au contraire, c'est souvent la première étape pour pouvoir continuer à prendre soin des autres. Et au vu de la fréquentation, des échanges et de l'enthousiasme des participantes comme des professionnels, nul doute que cette journée de la santé de la femme pourrait bien devenir un rendez-vous attendu sur le territoire. C'est la fin de ce mag, merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver ce reportage sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.